Butler! On va aller faire arrêter de parler, je veux pouvoir arrêter tout mon paris, je veux 90 minutes sur le banc, 300 000 albums dans les arrêts, je veux. Check. On va les faire arrêter de parler, je veux le pouvoir à tout le monde parler, je veux 90 minutes sur le banc, 300 000 albums dans les arrêts de jeu. Je suis le bon, la brute et tout co. Sacré soirée, Jean-Pierre Foucault. Si je ne m'abuse pas du calumet, ne voilà-t-il pas qu'on va t'allumer. Regarde mes fils, mes meilleurs amis. Si je suis me j'ai foutre à Miami. Je regarde les mêmes visages patrouillés. Un fusil à pompe et des balles rouillées. Un kalachnikov sous la burqa. Le nom cassé, la mer à Tourka. Viser l'artère, remonter par le bassin. Un black et Sacha sous les magasins. Avec Batil, j'ai tué les chats. Maintenant, falloir pour me faire dépasser. Avec sa masse, j'ai sauté des gens. Avec Kala, j'ai vendu de la C. Jamais content, ça rend fou ta vue. Plus le rap game rajoute une piste de pute. Si mafia existe, c'est nous la rue. Rappelle-moi qui sont ces fils de pute. On va les faire arrêter de parler, je veux. Le pouvoir ajoute tout vous parler, je veux. 90 minutes sur le banc, 300 000 albums dans les arrêts de jeu. 90 minutes sur le banc, 300 000 albums dans les arrêts de jeu. 90 minutes sur le banc, 300 000 albums dans les arrêts de jeu. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. Donne-lui de la mort, mets-lui de la craie. Pouvais pas prévoir qu'il me raterait. Affranchis l'album, c'est un stand de tir. Ce qu'on fait d'abord, qu'on dit après. Ton père le haki sous les tricolores. Rejoins le magie des rebelles au nord. Et tu vas te faire sauter par le chef. Et si c'est toi le chef, c'est que t'es bientôt mort. Au lieu de te demander qu'est-ce qu'il fout ici, demande-toi plutôt ce qu'on foutrait là-bas. Je vais t'arrêter ton planning, puisse la liste. Je vais voir mon fiscaliste, ton dieu là-bas. Il rêverait d'un vierge au dossier. On trouvait du shit dans mon fossile. Les gens de mon espèce décorent l'Italie. Contactez-moi, touche en Mauritanie. Parlons peu, mais parlons pas de finance. Tu leur jettes une quête, pas c'est bizance. Je mets du sang partout comme si c'est légal. J'ai blé de balle sur une page du Sénégal. Besoin d'une danse que j'ai d'un bouffon drôle. Pour toutes les oreilles et les genoux qu'on frôle. J'ai patrouillé les blocs avec Jinka. RAS, la zone est sous contrôle. On va les faire arrêter de parler, je veux. Le pouvoir ajoute tout nous parler, je veux. 90 minutes sur le banc. 300 000 albums dans les arrêts, je veux. 90 minutes sur le banc. 300 000 albums dans les arrêts, je veux. 90 minutes sur le banc. 300 000 albums dans les arrêts, je veux. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle. La ville est sous contrôle.